Nini par Paul Marguerite. Monsieur Thomas Lochard, employé au ministère de l'Instruction publique, atteindrait l'an prochain sa retraite. C'était un veuf, sans enfant, homme ponctuel et de tempérament mélancolique, par l'effet d'une maladie de foie et d'une existence sédentaire qu'il n'aimait pas, mais qui, à la longue, lui était devenue indispensable. Aussi s'effrayait-il d'avance de ne plus revenir un jour au bureau. Ce bureau, qui donnait sur une cour et que quatre tables en bois noir avec pupitre remplissaient, il le jugeait cependant odieux. 30 ans de sa vie s'étaient écoulés, mais cette habitude tyrannique le jugulait. Il était toujours le premier arrivé, le dernier parti. Son coin était celui de la fenêtre. Il possédait un placard à lui, et dans ce placard, des fausses manches de lustrine et de vieilles chaussures, affublement qu'il revêtait pour se mettre à l'aise. Dans ce placard, disposé ingénieusement en cabinet de toilette, tenait une cuvette. C'était aussi son garde-manger. Il y enfermait des biscuits secs et du chocolat avec de l'eau de mélisse, car M. Thomas Lochard était un homme précautionneux. Son mutisme habituel, sa politesse réservée, le faisait tenir un peu à l'écart par ses collègues, bons garçons occupés à faire des calembours, à compulser les journaux de course, à fumer des cigarettes et à dire du mal du prochain. On le jugeait aussi malchanceux, parce qu'il restait éternellement commis de seconde classe, sans avoir jamais pu atteindre la première et encore moins obtenir le rond de cuir du sous-chef. Il est vrai que le bureau de Lochard, dit le bureau des ampliations, était particulièrement mort. C'était un bureau stagnant comme un étang. Il ne rendait aucun service, n'avait proprement aucune utilité. On l'avait constitué de toutes pièces, 40 ans auparavant, pour y caser un vieux fonctionnaire sans valeur protégé par un ministre. Et depuis, le bureau des ampliations continue à fonctionner avec ses 4 employés occupés à copier des pièces parfaitement inutiles qu'il répartissait entre les différents services du ministère sans avoir même le plaisir de les voir utilisées. Car sitôt arrivées, on les enfouissait dans le vaste cartonnier d'où elles ne revoyaient jamais le jour. Pendant 30 ans, Lochard avait copié des besognes ingrates et superflues. Il s'y était appliqué avec zèle et conscience, soignant son écriture, utilisant la gomme et le sandarac avec une rare habileté, veillant à la régularité des marges et espaçant congrûment les blancs. Il s'était marié avec une personne de caractère difficile. Il avait connu les petites joies et les grands ennuis du ménage. Il avait soigné avec un dévouement méritoire son épouse atteinte d'un cancer. Il l'avait enterrée et il avait continué. Il continuait au bureau à copier de son écriture coulante une anglaise aux angles arrondis, enjolivée de fioritures savantes. Il s'ennuyait le dimanche, et ne fréquentant personne, passait la matinée dans son petit appartement, causant avec les 2 canaries en cage de la morte. Dans l'après-midi, vêtu de ses habits neufs, il allait se promener à pied au bois de Boulogne et rentrait dîner dans un bouillon du Val, d'une sole frite, sa gourmandise hebdomadaire, et d'une compote d'abricot. Sur quoi il se couchait pour reprendre avec un plaisir résigné, le lundi matin, son train-train journalier. Dans la maison qu'il habitait, il ne voisinait pas. Aussi fut-il surpris un soir où il mijotait lui-même son frugal dîner, d'entendre sonner à la porte. Il alla ouvrir, et une grosse dame endimanchée d'un chapeau à fleurs, un mantelet de soie fatigué sur les épaules, un parapluie à la main, lui dit « Thomas Lochard, n'est-ce pas ? Fonctionnaire au ministère de l'Instruction publique ?» Il ne put nier sa qualité. La visiteuse ajouta « Je suis Mademoiselle Porlet, la directrice de l'école primaire des filles de l'arrondissement. » Il ne put faire autrement que de la prier d'entrer dans la salle à manger, qui, grâce à un fauteuil en tapisserie, une chaise de velours d'Utrecht et un guéridon Louis-Philippe, avait un air de salon et en tenait lieu. Il lui désigna le fauteuil, mais modestement, elle prit la chaise. Il la dévisageait. Elle n'avait plus d'âge. Les joues couperosées, mais un air de bonté et de gaucherie mêlé d'assurance professorale. Elle expliqua le but de sa visite. Elle faisait une tournée de quête dans le quartier, maison par maison, étage par étage, évincée ici, bien accueillie là. Mon Dieu, oui, elle quêtait, et n'en éprouvait aucune honte, car c'était pour les colonies de vacances. Vous en avez certainement entendu parler, monsieur. Nous emmenons chaque année à la mer ou à la campagne, ah, dame, dans de petits endroits pas chers, ceux de nos élèves qui semblent plus mal partagés et dont les parents sont trop pauvres pour leur assurer le bon air dont ils auraient besoin. Nous les conduisons aux champs ou sur les plages pour leur faire de bonnes joues rouges et aspirer la belle santé. Seulement pour cela, et si modique que soient nos frais, nous avons besoin d'être aidés par le concours généreux des honnêtes gens. C'est une bonne œuvre, monsieur, vous le voyez, une œuvre de solidarité et de justice. » Elle ajouta, « Et si vous saviez quel réconfort c'est pour nous de voir tout ce petit monde s'amuser, reprendre des forces, songez que dans le nombre, il y en a qui pendant toute l'année ne mangent pas leur faim. Vous ririez de voir avec quel bon appétit nos fillettes dévorent dans les fermes les bols de la crémeux et les tranches de pain bis. Alors, monsieur, j'ai pensé. » Elle se méprit au silence de Thomas Lochard. Son silence ne venait pas de son avarice, car ses paroles dites avec une bonhomie franche venaient de l'émouvoir. Sa gêne tenait à ce qu'il n'était point riche, d'abord, et à ce qu'il ignorait ensuite ce qu'on peut donner en pareil cas. La maîtresse d'école reprit très vite. « On donne ce qu'on veut. La moindre obole est la bienvenue. » M. Lochard, se décidant, tire alors d'un tiroir où il avait en réserve 4 belles pièces de 5 francs, rondes, brillantes, à l'effigie de la République. « Oh, merci, monsieur, » dit la brave demoiselle avec effusion. « Quel plaisir vous me faites. Nous allons pouvoir emmener la petite Nini. » « Qui est donc la petite Nini ?» demanda le fonctionnaire, ému par le ton joyeux de la directrice. « La petite Nini Barco, monsieur, est une pauvre petite que nous aurions voulu emmener parce qu'elle est très pâle, très maigre, très affaiblie. Mais nous n'avions pas assez d'argent pour cela. La justice voulant, comme nous l'avions emmenée l'an dernier, que nous lui préférions des petites camarades qui n'ont pas encore eu de vacances à la mer. Nous nous désolions de ne pouvoir compléter ce qui nous manquait. Grâce à vous, monsieur, voilà une enfant qui va refleurir, à qui nous allons donner de la joie et de la santé. En veux-tu, en voilà. Je vous en remercie profondément. Mais non, je vous en prie, répétait Thomas Lochard, pris d'une pudeur et s'étonnant lui-même de sa générosité. Le lendemain, nouveau coup de sonnette. Mademoiselle Porlet encore, et qui tient-elle à la main? Une petite fille aux souliers troués, une de ces petites faces anémiques dont on dit que c'est un oiseau pour le chat. Dans ce teint de papier mâché, deux yeux d'un bleu doux, demi-osotis, mettaient leur petite flamme claire. « Voilà Nini, qui veut vous remercier, monsieur. Regardez-la bien, car sûrement dans un mois, vous ne la reconnaîtrez plus. » Monsieur Lochard chercha dans son buffet une petite pomme destinée à son dessert et l'offrit à l'enfant. « Une bonne petite fille, » lui confiait la directrice. « Travailleuse, courageuse. Elle n'a plus qu'une vieille grand-mère, à moitié percluse. C'est dire qu'elle est presque seule au monde. » Au départ, Thomas Lochard fit passer Nini la première et sur le palier retint la directrice. Il lui glissa dans la main une piécette d'or, cette fois et à voix basse. « Achetez-lui donc, je vous prie, des souliers et une bonne capeline de tricot. » Un regard de Mademoiselle Porlet le remercia plus que toute parole. On se dit adieu et au revoir. Monsieur Lochard souhaita à l'enfant de bonnes vacances, et quand la porte se referma derrière elle, il se sentit triste et seul. Oui, il aurait pu avoir un enfant. Cela distrait, occupe, cela remplit la vie. On a des devoirs, des responsabilités, des soucis, des inquiétudes. Mais aimer un petit être, le façonner, le diriger, n'est-ce rien? Il n'avait ni femme, ni enfant, il vieillissait seul. Le miroir lui renvoya son portrait. Une figure jaunâtre, des yeux bouffis, un crâne chauve. Il n'était pas beau, certes, mais à la longue, la vie vous pétrit, vous affine, et il portait sa bonté sur le visage, une bonté secrète, insoupçonné des autres et jusqu'à présent de lui-même. Jamais il ne s'ennuya plus que ce long mois d'août, où les journées se lèvent tôt, se prolongent interminables, splendides et mornes. Il souffrait de la chaleur dans son petit appartement, et l'idée ne lui venait pas de s'absenter pour les vacances. Où irait-il? Depuis longtemps, le plaisir de l'initiative, du nouveau, l'avait abandonné. Il était comme le cheval à l'écurie, le bœuf au râtelier. Il faisait sa besogne et restait chez lui. À peine prenait-il plaisir à lire ou à se promener. La seule chose à laquelle il pensait avec plaisir, c'était que là-bas, dans un petit trou de plage, entre la coupure de deux hautes falaises de Normandie, la petite Nini barbotait dans la vague, bâtissait des châteaux de sable et mangeait à sa faim. Tout cela pour les 4 pièces rondes d'argent clair et la petite parcelle jaune. Cette libéralité qu'il avait faite sans joie, avec le sentiment pourtant que ce serait bien de sa part, et qui donnait à un petit être humain, jusqu'alors malheureux, tant de bonheur. Août s'écoula, et voilà que le 2 septembre, Toute sa vie, Thomas Lochard se rappellera cette date. La sonnette tinta d'une façon qu'il reconnut. Oh, sans hésiter. C'était Mademoiselle Porlet, et derrière elle, une fillette aux joues roses, aux mollets fermes, Nini, qui a doublé, pour le moins. Il sent le besoin de plaisanter, mais une joie délicieuse lui inonde le cœur. Ah, qu'est-ce que donc que cette jolie petite fille que je ne connais pas? Non, bien sûr, je ne l'avais jamais vue. Il a beau dire cela d'un air très convaincu, Mademoiselle Porlet et l'enfant éclatent de rire, et toutes deux en même temps répondent, triomphantes, « Mais c'est Nini, voyons, c'est Nini !» Il en raconte des choses, des choses. Nini bavarde sur les genoux de son nouvel ami. La mer qui fait ouh, ouh, les crabes qui pincent, les châteaux de sable, et les promenades en barque, et une excursion en char à bancs dans un château où leur a servi une tarte aux cerises large comme la table. Mais cet homme à Lochard est heureux, et Mademoiselle Porlet sourit. Elle a eu du mal, avec toute cette grande petite famille, turbulente, grisée de soleil, excité de plaisirs simples et toujours nouveaux. Mais de quel cœur elle s'est donnée à sa tâche. Monsieur Lochard promet d'aller lui rendre sa visite jeudi, oui, jeudi, à l'école. Et quand, ayant mis son chapeau haute forme des dimanches et des gants, tenant un gros paquet ficelé de ficelles roses à la main, des pains d'épices pour toute la classe, il se présente à la porte. Il est consterné d'entendre Mademoiselle Porlet lui dire « Ah, monsieur, la pauvre Nini !» Elle n'est pas malade, elle n'est pas... Hasarde M. Lochard qui devient pâle. Oh non, c'est sa grand-mère qui est morte d'une attaque d'apoplexie. Voilà Nini seule au monde. Alors, murmure Thomas Lochard, le cœur serré. Alors on nous l'apprend. La pauvrette est à la rue. L'assistance publique s'en charge et va l'expédier comme pupille au loin, au fond de l'Auvergne. La confier à des paysans qui l'élèveront avec les chèvres et les vaches, en feront une fille de ferme. De braves gens peut-être, on ne sait jamais. Des brutes aussi, c'est possible. Une dure vie, en tout cas. Et Nini est si sensible, si tendre, si reconnaissante. Une jolie petite âme, monsieur, si vous la connaissiez. Monsieur Thomas Lochard, abasourdi, baisse la tête. Il fait un rapide calcul. Sa retraite, ses appointements, il dépense peu, ne va pas au café. Une tendresse à lui, bien à lui. Deux petits bras frais, qui se pendront à son cou. Et Nini ne souffrira plus. Nini ne gardera pas les vaches. Elle continuera à prendre avec Mademoiselle Porlet. Elle vivra avec lui. Elle sera la fille qu'il aurait tant voulu avoir. Il devient très rouge et dit « Non, mademoiselle, elle ne s'en ira pas. Qu'on me confie, Nini, je l'adopterai. » Ainsi s'achève Nini par Paul Marguerite.